réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment, 6 heures ? Bonjour tout le monde, merci de vous réveiller en ce jeudi 3 septembre avec Un autre jour est possible, le magazine culturel de France Culture, tous les matins de 6h à 6h30 ou quand vous voulez, en passant par le podcast disponible sur franceculture.fr. Une réalisation de Thomas Duterre avec aujourd'hui à la technique Michel Maestre et nous, depuis lundi, on parle de l'événement en rouge et noir de la rentrée littéraire, c'est-à-dire le Millennium 4, celui de David Lagercrantz. Et notre tête chercheuse Guillaume Lebeau est avec nous depuis lundi d'ailleurs pour nous parler des raisons de succès de cette série. Millennium, autopsie d'un succès avec aujourd'hui en deuxième partie David Lagercrantz lui-même, l'auteur du premier Millennium non écrit par Stieg Larsson, le Millennium 4 que vous avez lu. Guillaume Lebeau, bonjour. Bonjour et bonjour à tous ceux qui pensent que Millennium 4 est une très mauvaise idée. 3-0-1-1-2-4. Michael Blomqvist, le journaliste de la revue Millennium, a été condamné ce matin. Millennium, autopsie d'un succès, épisode 4, quatrième tome, quatrième manuscrit. On va commencer peut-être par ce quatrième manuscrit. Alors, on aurait dû commencer par là, je pense. Éditorialement, il me semble que l'important, dans la continuité d'une œuvre, c'est d'essayer justement d'exploiter le filon jusqu'à son épuisement. Il se trouve que on s'est trompé de filon. On a tapé dans le filon orifère, financier, mais on n'a pas tapé dans le vrai filon, celui qui aurait constitué à trouver en fait un compromis. Avec Eva Gabrielsson, donc compagne de Stieg Larsson pendant plus de 30 ans, et les ayants droit légaux, qui sont le père et le frère de Stieg Larsson, un accord qui aurait permis donc de publier ce qu'on appelle le quatrième manuscrit, et ce qui est constitué vraisemblablement de 200 à 300 pages. Dans quel état, on l'ignore, on ne sait pas si Stieg Larsson a eu le temps de les peaufiner. Il n'écrivait pas de brouillon, donc on sait déjà qu'on n'est pas face à quelque chose qui serait inutilisable et inexploitable, puisqu'il n'écrivait absolument pas de brouillon. Maintenant, savoir de quoi il est composé, savoir s'il est terminé, s'il est exploitable, s'il est publiable, ça c'est une autre histoire. Mais j'ai aucun doute sur son existence. Bonjour, Michael. Entrez. Je suis Henrik Wenger. Il fait toujours aussi froid à Eidestadt. Vous n'avez encore rien vu. Allons dans mon bureau. Vous prendrez votre décision plus tard. Le Millennium 4 est en librairie depuis une semaine. Asseyez-vous. Avec David Lagercrantz qui était à Paris, premier pays après la Suède dans cette grande tournée mondiale qui s'annonce. Il nous a reçus dans les locaux de son éditeur français Actes Sud. On écoutera donc l'entretien dans 5 minutes, un peu plus de 5 minutes. Mais d'ici là, comment vous, Guillaume Lebeau, vous avez lu ce Millennium 4, le premier non écrit par Stieg Larsson? Alors tout d'abord, la façon dont le mécanisme de publication de Millennium 4 a été agencé fait que, et vous et moi et tous ceux qui ont voulu lire Millennium 4 pour pouvoir en parler le plus rapidement possible, ont dû le lire très vite. Donc ce n'est pas un problème. Ça se lit vite. Ça se lit très vite. Et en ça, je dirais que il y a une première gageure qui est réussie, c'est celle d'être dans cette addiction de lecture que savait procurer Stieg Larsson. Que dire d'un ouvrage qui m'a semblé de très bonne facture. Voilà, c'est un roman policier très bien construit. Évidemment, l'auteur avait ses fiches, on le sent bien, il avait ses petites fiches, il a fait un travail très besogneux, c'est-à-dire qu'il a été, et besogneux au sens, vraiment, c'est pas péjoratif, je suis vraiment, il a été travailleur. Mais on sent le travail, c'est-à-dire qu'on sent que il y a une volonté de respecter un cahier des charges, qu'il a très bien analysé l'œuvre de Stieg Larsson, qu'il avait, par petits moments, il dévie un petit peu, et puis alors on sent que tout d'un coup, hop, il a sa petite fiche qui lui dit, oui, mais alors là, il faut que je réinjecte, allez, ils vont boire un petit café parce que c'est dans la charte, ils doivent boire du café. Le problème de tout ça, c'est qu'en fait, moi, je me suis rappelé d'un événement de ma vie où je me suis retrouvé face à un faux en peinture d'un grand artiste. Et j'ai admiré ce faux en me disant, waouh, c'est vraiment très bien fait, c'est beau, c'est bluffant. Et à côté de moi, il y avait un spécialiste et qui, lui, m'a expliqué toutes les imperfections. Elle dit, toi, tu ne vois pas la copie. Moi, je la vois et je vais t'expliquer. Et c'est quoi comme tableau ? Un Rubens. Et à partir de là, je pense que j'ai eu le même sentiment en 48 heures de lecture avec Medium 4. C'est-à-dire qu'en face, j'étais en face d'une copie de Stieg Larsson, très bien faite, par un bon artisan, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, j'ai la prétention, entre guillemets, d'être un tout petit peu spécialiste de la question. J'ai suffisamment travaillé sur Stieg Larsson et son œuvre pour avoir, cette prétention de penser que je la connais bien. Sans être un spécialiste, je vois les défauts. Je vois tout ce qui fait que ce n'est pas Stieg Larsson. Et à ce moment-là, je me dis, mais donc, c'est une copie. C'est donc une contrefaçon. Mais par exemple. Ça n'a pas d'intérêt. Par exemple. Alors, commençons tout simplement par la carte de Stockholm qui inaugure le roman. À quoi bon, pour Stieg Larsson, qui nous parle de Stockholm en disséminant, en fait, tous les éléments de psychogéographie de Stockholm dans son œuvre, en la distillant savamment, tranquillement, et qui nous fait d'ailleurs voyager magnifiquement dans Stockholm sans nous donner de plan. À quoi bon mettre un plan en ouverture de Millennium 4, si ce n'est penser au marché international, penser finalement à ce tourisme qui s'est développé post-mortem et qui est un tourisme qui a fait venir en masse les gens à Stockholm, alors que Stockholm avait toujours eu du mal touristiquement à attirer une manne comme son voisin norvégien le faisait grâce au fjord. Mais en soi, c'est pas un crime. C'est pas un crime, c'est juste un défaut de... Allez, on va dire c'est une faute de goût. Première faute de goût. La suivante, la NSA. Quel intérêt pour un auteur d'aller délocaliser et de prendre finalement un élément américain dans une œuvre où Stieg Larsson a mis un point d'honneur à quasiment jamais délocaliser, sauf à aller en Australie. Voilà. Mais encore à la fin d'un roman et pour clôturer un roman sans que c'est de ressort dans l'intrigue. Sauf qu'il s'est passé des choses depuis ces 10 dernières années. Quand bien même, je pense que Stieg Larsson. Et la NSA est devenu un acteur, justement, des grands chamboulements dans ce monde. Stieg Larsson n'a jamais été réellement préoccupé des grands chamboulements du monde. Relisez-le attentivement. La trilogie, ce qu'on appelle la trilogie, mais on a expliqué que ça ne l'était pas. Mais ces trois romans ne parlent absolument de rien d'autre que des dysfonctionnements de son pays et de la sphère scandinave. Il ne parle à aucun moment de géopolitique internationale. Les grands dysfonctionnements du monde, c'est pas que ça ne l'intéresse pas, c'est qu'en fait il est journaliste. Et il est journaliste, et un journaliste un peu particulier, il est journaliste antifasciste et antitrust. Et il s'intéresse en fait aux grands dysfonctionnements de son pays. C'est ce qui fait tout l'intérêt en fait de ces trois romans, c'est qu'il ne les délocalise pas. Il reste centré sur ce qu'il connaît, sur un pays qu'il connaît sur le bout des doigts, et son pays qui connaît des grands bouleversements. Et en bon journaliste, ce qui l'intéresse, c'est de parler de ça. Je ne suis pas certain, mais là je vais pas parler à la place des morts, moi j'ai au moins ce respect, je pense, par rapport à Stieg Larsson, qui fait que je ne parlerai jamais à sa place. Voilà. Contrairement à beaucoup d'autres. Donc par respect, je ne dis pas qu'il n'aurait pas fait ça. Je dis simplement que je serais très étonné qu'il ait choisi la NSA ou de délocaliser une partie de son intrigue aux États-Unis ou de s'intéresser de s'intéresser à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui est au cœur, en fait, de Millennium 4, c'est quelque chose qu'a développé son auteur, David Lagercrantz, dans un de ses romans, un de ses thrillers, qui s'intéressait, en fait, à Alan Turing, qui est le père de l'intelligence artificielle, qui a décodé le code Enigma, les codes nazis. Donc c'est quelque chose qu'il connaît bien, lui. Mais c'est pas quelque chose que connaissait bien Stieg Larsson. Stieg Larsson était un passionné de SF au début de sa vie. Il a très rapidement abandonné cette sphère-là au profit de la sphère plutôt de littérature policière. À aucun moment, je pense qu'il ne serait allé jusqu'à l'intelligence artificielle. Stockholm était désert. La tempête s'était un peu adoucie, mais la mer bouillonnait d'écume. Michael observa le grand hôtel de l'autre côté de la baie et se demanda s'il ne ferait pas mieux de laisser tomber le rendez-vous avec Needham et d'aller rejoindre Lisbeth. Lisbeth avait réussi à se rendormir. Et lorsqu'elle se réveilla de nouveau, il était 8h du matin. On ne pouvait pas dire qu'elle était au top de sa forme. Lorsque Michael sortit de la rédaction aux premières heures du jour pour attendre le taxi qui l'emmènerait jusqu'au grand hôtel, il n'avait toujours aucune nouvelle d'Andrei et tentait de se convaincre qu'il avait réagi avec excès, que son jeune collègue allait l'appeler d'un moment à l'autre, depuis le lit d'une fille ou de chez un pote. Puis, elle fourra des vêtements de sport dans un sac noir et sortit. La tempête était passée. Des ordures et des journaux que le vent avait emportés jonchaient les rues. Dans les personnages, il y a effectivement deux niveaux. Premier niveau, la réutilisation plutôt astucieuse des personnages existants. Et là, effectivement, il y a de l'astuce. Je ne dis pas qu'il y a du génie, il y a de l'astuce, du travail. Et on est plutôt satisfait de la manière dont, effectivement, Lagercrantz se réapproprie ces personnages. Après, on a ce que j'appellerais, moi, des fausses bonnes idées. C'est-à-dire que quand on dit que les personnages qu'il crée sont astucieux, notamment cet enfant autiste, moi, je dis que c'est une fausse bonne idée. Pourquoi ? Parce que l'enfant autiste, déjà, premièrement, je renverrai... alors, je vais pas faire la liste, hein, mais il y a au moins deux films qui me viennent à l'esprit. C'est Code Mercury et Silent Fall. Ces deux films mettent en scène des enfants autistes qui ont été témoins d'un événement traumatique et dramatique et qui sont les clés, en fait, de la résolution de l'énigme. Donc, on n'est pas face à une nouveauté. C'est quelque chose qui a été utilisé, réutilisé. Voilà. Je trouve que d'ajouter du pathos au pathos, savoir Lisbeth qui devient une espèce de mère de substitution pour un enfant elle-même autiste, syndrome d'Asperger, qui devient elle-même finalement une espèce de tutrice d'un enfant, mère de substitution d'un enfant autiste, c'est rajouter du pathos au pathos. Je suis pas tout à fait certain en plus que ça soit la... Mais ça explique un peu la rage qu'a Lisbeth... Mais sa rage, elle est expliquée par Stieg Larsson de façon très simple. Sa rage, c'est qu'elle n'a jamais été en fait entendue. Elle n'a jamais été entendue. On est face à quelqu'un qui manifestement a choisi la voie, et c'est encore une fois absolument pas péjoratif, de ce que j'appelle moi le thriller international. Le thriller international, c'est en fait une espèce de thriller qui a une vocation universelle, c'est-à-dire qu'il y a des codes, c'est très ramassé. Alors par exemple, on va parler de l'écriture, mais... Je pense que ce qui faisait une partie finalement de l'intérêt du style de Stieg Larsson, c'était ce côté journalistique, c'est-à-dire d'être parfois très fouillé dans les faits, très détaillé. Là, on est très concis, on est très ramassé parce qu'on est dans une forme de thriller qui le réclame, c'est-à-dire que le but du jeu, très clairement pour Millennium 4, c'est d'être adapté au cinéma. Voilà, moi, si vous voulez, on voit clair dans cette trame et cette construction. Mais Stieg Larsson, qu'est-ce qu'il faisait quand on tournait les pages? C'est que on était à chaque fois qu'on pensait tenir à la solution, qu'on disait ah oui, il y en a compris, on rebondissait parce que l'intrigue était fourmillait tellement que finalement à chaque fois il nous baladait et nous on était surpris. Là, dans Millennium 4, c'est bien fait, mais à aucun moment on est surpris. Elle est convenue, l'intrigue. Elle est convenue, et c'est pas un drame. Beaucoup de grands polars sont convenus. Sauf que, en ça, je pense qu'il y a un échec réel. je pense que, et ça montre bien la difficulté de l'exercice, c'est que il est difficile de s'approprier l'univers d'un auteur. Il est difficile de se mettre dans la peau d'un auteur. Et je pense que s'il y avait eu audace, en fait, la vraie audace aurait consisté à confier les clés de la Maison Millennium à une femme, pas un homme. Je crois que la vraie audace, en fait, s'il y avait eu vraiment une audace à avoir dans un concept qui est, pour moi, et vous l'aurez bien compris, très problématique, puisqu'il touche à l'éthique et à la morale. Est-ce qu'on a le droit de faire n'importe quoi avec l'œuvre d'un disparu, d'un mort, d'un auteur mort? Vous aurez compris que je me positionne très clairement et je dis non. Mais si, soyons fous, s'il y avait une audace, une vraie audace, est-ce que ce n'aurait pas été de confier, en fait, Millennium, l'écriture de Millennium 4 à une femme? Et d'avoir... Et pourquoi vous faites? Eh bien, parce qu'on aurait inversé, Stieg Larsson a inversé, on l'a compris avec Lisbeth Salander et Michael Bungvist, les polarités chez ses personnages. C'est-à-dire qu'il a fait de Lisbeth, finalement, son héros masculin, et de Michael Bungvist, son héros féminin. Il s'est donc lui-même mis, quelque part, dans une position un peu particulière. Il a écrit de façon très féminine. Il aurait été intéressant de challenger une grande auteure, une grande romancière de thriller, pourquoi pas Val McDermid, qu'appréciait énormément Stieg Larsson, et de lui dire, voilà, qu'est-ce que t'en penses, toi? Comment tu prendrais cet univers? Et là, on serait face, finalement, à quelque chose de très intéressant, c'est qu'on aurait non plus une pâle copie, c'est-à-dire quelque chose... Et encore une fois, copie, pour moi, ne comprenez pas contrefaçon, copie, c'est juste, voilà, c'est un décalque. C'est un décalque, on a décalqué, on a essayé de prendre, et on l'a bien fait, ce qui faisait du Stieg Larsson pour faire du à la manière de Stieg Larsson. Je pense que ça n'a pas tellement d'intérêt, même quand c'est bien fait. En revanche, si on avait une femme qui se mettait réellement en danger aux manettes, je pense que, notamment sur le personnage de Blomqvist et de Lisbeth Salander, on aurait une espèce de contre-voix. Et là, on serait plus dans « je transcende l'œuvre Millennium plutôt que je la copie ». Et je pense que s'il y avait une manière de continuer, une manière éthique et morale de continuer Millennium, et je dis bien « si hein, », je pense que c'est plutôt dans la voie, effectivement, de « je réagis comme Stieg Larsson », c'est-à-dire que je ne suis pas là où on m'attend. Je ne suis pas dans la logique financière, je ne suis pas dans la logique éditoriale. Je suis au contraire en embuscade. Vous pensiez qu'on allait confier à un homme, à un Scandinave? Eh bien, on confie à une étrangère et on confie à une femme. Je pense qu'on peut penser que dans d'autres mains, l'aventure se serait poursuivie plus en respect, encore une fois, d'un auteur qui était profondément antifasciste et antitrust. Donc antifasciste, alors on va reprendre Millennium 4 sur le point de vue maintenant politique. Il y avait quand même une charge énorme dans les trois romans que nous a laissé Stieg Larsson, une charge politique énorme. Cette dimension-là, elle a échappé à personne. Elle est présente dans le cadre. Elle est présente, mais elle est beaucoup plus diffuse. Et elle est surtout beaucoup plus, je dirais, consensuelle. On est dans le combat, oui, alors d'une forme de diktat de ces géants de l'informatique du big data, qui nous flique, qui finalement crée cette espèce de super savoir qui, en fait, est une compilation de tous nos savoirs à nous, mais qui nous en dépouille. C'est assez consensuel, ce combat-là, il est mené par beaucoup de gens, il n'est pas très virulent. Stieg Larsson dénonçait quand même les dérives fascistes d'un des organismes principaux de l'État suédois, qui était la police secrète. Et pourquoi? Simplement parce que cette police secrète, à une période de son activité, affichait les militants d'extrême gauche, a utilisé son pouvoir donc pour ficher les militants d'extrême gauche. On était dans une dénonciation bien plus radicale et pointue que ce Millennium 4, qui encore une fois est un thriller international, finalement très lisse, très très lisse. Et à la fin, Michael Blomqvist et Lisbeth Salander se retrouvent dans un couloir d'escalier, la petite ampoule qui grésille, Blomqvist qui... sursaute, voilà, parce qu'il se doute, pas que c'est Lisbeth Salander. Alors ça, excusez-moi, mais j'ai un peu rigolé à cette scène-là parce que ils se connaissent. Elle m'a touché, Guillaume Lebeau. Oh non, celle qui était touchante, c'était celle où où elle est sur le trottoir et de l'autre côté du trottoir, Kjell Blomkvist est à l'opposé exact et elle le regarde, elle le voit faire quelque chose qui met fin définitivement à leur possible histoire. Ça, c'était très touchant. Ça, c'était Stieg Larsson. Là, on se retrouve dans une banale scène d'escalier. Alors encore une fois, oui, efficace, mais alors d'un banal achevé avec cette ampoule, voilà. Donc la pénombre, Kjell Blomkvist qui n'imagine même pas une minute que ça peut être c'est Lisbeth Salander, hein, même pas une minute. Non, c'est pas possible. Puis ah bah oui, c'est elle. Et puis là, on a cette scène qui laisse une possibilité entre eux, mais c'est un peu comme si Mulder et Scully avaient un enfant et se mariaient. On ne veut surtout pas, et c'était toute l'intelligence de Stieg Larsson. Une possibilité pour un Millennium 5. Ah ben c'est tout l'enjeu. Millennium 4 a été écrit très clairement pour être adapté au cinéma. C'est un très bon scénario. Cette fin laisse augurer effectivement un 5 et voire un 6. Le but du jeu est très clairement de continuer la franchise comme au cinéma. Alors justement, demain on poursuit notre série Autopsie d'un succès mondial de Millennium, toujours avec vous, Guillaume Lebeau. Et demain, on va voir comment cette saga s'est transformée en un filon juteux, et pas seulement pour le cinéma. À demain, Guillaume Lebeau. À demain. Un autre jour est possible. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Here I am. My name is David Gunnar Franciscus Lagercrantz. Bonjour David Lagercrantz. Depuis maintenant une semaine, Millennium 4 est en vente. Ça fait tout juste une semaine qu'il est sorti en France, mais aussi dans le monde, puisque c'est une sortie mondiale. En une semaine, vous avez eu peut-être le temps de lire les premières réactions. Est-ce que vous les attendiez? Est-ce que vous craignez les réactions des lecteurs? Comment vous avez réagi aux premières réactions, c'est-à-dire aussi bien de la presse que des fans que vous avez pu lire sur Internet? Jag är så glad. Jag har varit utsatt för en storm. Jag har jagat som en politiker. Alors je suis ravi. Là ça fait belle lustre qu'on me pourchasse, on me traite limite comme un politicien partout. Je vois ma tête sur les unes des journaux. Et là enfin, je dis super, là je vous ai eu, les bonnes critiques sont arrivées et le livre c'est un succès et je suis tellement ravie. Comment êtes-vous arrivé à cette histoire de Millennium? Ja, jag bytte agent till Magdalena Hedlund här borta. Oui, alors j'ai changé d'agent pour Magdalena Hedlund qui est à côté de moi, un agent excellent. Et on se retrouvait dans un déjeuner où on a bu un peu de vin. Et on a commencé à discuter. Moi, j'étais sur un roman et je disais que, effectivement, quand je écris, j'ai tendance à m'impliquer un peu trop dans des personnages qui me ressemblent trop. Et mes personnages masculins deviennent beaucoup trop dépressifs. Så jag sa till min agent, kanske blir jag bättre. Effectivement, je disais à mon agent que peut-être que je suis mieux en tant qu'auteur quand je me confronte à quelque chose qui est complètement différent de moi. J'ai eu par exemple l'occasion de travailler sur le livre de Zlatan Ibrahimovic, pardon. Et là, je me retrouve confrontée à un personnage qui est en tout point opposé de moi. Et là, il s'est passé quelque chose. Je me suis confrontée à mon contraire absolu et c'est là où je me suis vraiment évoluée en tant qu'écrivain. Et là, j'ai vu sur le visage de mon agent qui s'est un peu transformé et dans l'ombre, la famille a commencé, la famille de Larsson a commencé à lire mes anciens livres, l'éditeur aussi, l'agent. Alors, pour écrire ce quatrième millénium, est-ce qu'il fallait d'abord s'entendre avec l'éditeur sur comment vous allez faire évoluer les personnages créés par Stieg Larsson ? Nej, ingenting var klart. Vi visste egentligen två saker. Läsaren skulle känna sig hemma. Non, rien n'a été défini au préalable. On avait convenu de deux choses uniquement qui étaient primordiales. C'est que les lecteurs de Millennium devraient retrouver l'univers Millennium et il fallait qu'ils retrouvent aussi les personnages. Après, le reste, c'était à moi de mettre mon part personnel là-dedans et de faire quelque chose qui m'appartenait aussi. Mais il fallait que l'univers et les personnages soient respectés. Est-ce que vous aviez, David Lagercrantz, autant de liberté avec les personnages de Stieg Larsson que vous reprenez qu'avec les personnages que vous avez vous-même créés pour ce Millennium 4 ? Alltså mina egna skapta karaktärer kunde jag förstås göra vad jag ville med, men det var ju väldigt viktigt att jag hittade koden. Effectivement, les personnages que j'ai créés moi-même, j'avais une liberté absolue, je pouvais faire ce que j'en voulais. Par contre, les personnages créés par Stieg Larsson, surtout Lisbeth et Mikael Blomkvist, il fallait vraiment que je trouve les codes pour les comprendre et comment les faire évoluer. Nej, men att jag, alltså jag drömde mardrömmar om att jag effectivement, pour Lisbeth Salander, je faisais carrément des cauchemars où je rêvais qu'elle venait me voir en disant « Mais non, ça c'est pas moi, tu m'as pas rendu justice ». Est-ce qu'on peut dire que vous êtes glissé dans l'univers de Stieg Larsson pour écrire Millennium, David Lagercrantz ? Ja, alltså jag trädde ju in i det. Jag läste och jag hade dem på PDF. Effectivement, je l'avais tout le temps en moi et j'avais les autres, la trilogie sous la main tout le temps. Donc je la consultais sans arrêt pour savoir ce qui allait se passer, comment j'allais pouvoir faire évoluer certaines choses. Men det var när jag började få in de här karaktärerna i mitt blodsystem. Mais c'est effectivement à partir du moment où je me suis un peu libéré de ça, où j'ai senti la fièvre remonter, que je me suis lâché dans l'écriture et que j'ai réussi à me libérer un petit peu, et c'est là que le vrai travail d'écriture a commencé. Merci David Lagercrantz. Tack så hemskt mycket. Vad nöje verkligen att tala med dig. Et merci. Hege Roel Rousson. D'avoir traduit cet entretien. Merci beaucoup. Cet entretien avec David Lagercrantz a été enregistré dans les locaux de sa maison d'édition en France, Actes Sud. Merci. Merci beaucoup, messieurs.